Veuillez écouter maintenant Polyeucte, tragédie en cinq actes de Pierre Corneille. En voici la distribution. Félix, Pierre Renoir. Polyeucte, Jean Chevrier de la Comédie Française. Sévère, Jean David de la Comédie Française. Pauline, Jacqueline Moran. Néarque, Jean Claudio. Stratonis, Marcel Tassancourt. Albin, Lucien Pascal. Fabian, Robert Moncade. Cléon, Pierre Olivier. Quoi ? Vous vous arrêtez au songe d'une femme ? De si faibles sujets troublent cette grande âme. Et ce cœur, tant de fois dans la guerre éprouvé, s'alarme d'un péril qu'une femme a rêvé. Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance qu'un homme doit donner à son extravagance, qui, d'un amas confus des vapeurs de la nuit, forme de vains objets que le réveil détruit. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. Vous ignorez quel droit elle a sur toute l'âme, quand, après un long temps qu'elle a su nous charmer, les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer. Pauline, sans raison dans la douleur plongée, craint et croit déjà voir ma mort qu'elle a songée. Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais et tâche à m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte et je cède à ses larmes. Elle me fait pitié sans me donner d'alarme et mon cœur attendri sans être intimidé n'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion, Néarque, est-elle si pressante qu'il faille être insensible au soupir d'une amante? Par un peu de remise, épargnons son ennui pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'hui. Avez-vous cependant une pleine assurance d'avoir assez de vie ou de persévérance? Et Dieu, qui tient votre âme et vos jours dans sa main, promet-il à vos voeux de le pouvoir demain? Il est toujours tout juste et tout bon, mais sa grâce ne descend pas toujours avec même efficace. Après certains moments que perdent nos longueurs, elle quitte ses traits qui pénètrent les cœurs. Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égare, le bras qui l'a versé en devient plus avare, et cette sainte ardeur qui doit porter au bien tombe plus rarement ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressait de courir au baptême, languissante déjà, cesse d'être la même. Et pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouïr, sa flamme se dissipe et va s'évanouir. Vous me connaissez mal, la même ardeur me brûle. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Ces pleurs que je regarde avec un œil d'époux me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous. Mais pour en recevoir le sacré caractère qui lave nos forfaits dans une eau salutaire et qui, purgeant notre âme et dessillant nos yeux, nous rend le premier droit que nous avions aux cieux, bien que je le préfère aux grandeurs d'un empire comme le bien suprême et le seul où j'aspire, je crois, pour satisfaire un juste et saint amour, pouvoir un peu remettre et différer d'un jour. Ainsi, du genre humain, l'ennemi vous abuse. Ce qu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse. Jaloux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler, quand il ne les peut rompre, il pousse à reculer. D'obstacle sur obstacle, il va troubler le vôtre, aujourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre. Et ce songe rempli de noires visions n'est que le coup d'essai de ses illusions. Il met tout en usage, et prière, et menace. Il attaque toujours, et jamais ne se lasse. Il croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu. Et que ce qu'on diffère est à demi rompu. Rompez ses premiers coups, laissez pleurer Pauline. Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, qui regarde en arrière. Et douteuse en son choix, lorsque sa voix l'appelle, écoute une autre voix. Pour se donner à lui, faut-il n'aimer personne? Nous pouvons tout aimer. Il le souffre. Il l'ordonne. Mais à vous dire tout, ce Seigneur des Seigneurs veut le premier amour et les premiers honneurs. Comme rien n'est égal à sa grandeur suprême, il ne faut rien aimer qu'après lui, qu'en lui-même, négligé pour lui plaire, et femme, et bien, et rang, exposé pour sa gloire, et versé tout son sang. Mais que vous êtes loin de cette ardeur parfaite qui vous est nécessaire et que je vous souhaite. Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux. Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tout lieu, qu'on croit servir l'État quand on nous persécute, qu'au plus âpre tourment, un chrétien est en but, comment en pourrez-vous surmonter les douleurs si vous ne pouvez pas résister à des pleurs? Vous ne m'étonnez point. La pitié qui me blesse sied bien au plus grand cœur et n'a point de faiblesse. Sur mes pareils, Néar, qu'un bel œil est bien fort, tel craint de le fâcher qui ne craint pas la mort. Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, y trouver des appâts, en faire mes délices, votre Dieu, que je n'ose encore nommer le mien, m'en donnera la force en me faisant chrétien. Hâtez-vous donc de l'être. Oui, j'y cours, cher Néarque. Je brûle d'emporter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige et ne peut consentir tant ce songe la trouble à me laisser sortir. Votre retour pour elle en aura plus de charme. Dans une heure au plus tard, vous essuierez ses larmes. Et l'heure de vous revoir lui semblera plus doux, plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend. Apaisez donc sa crainte et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient. Fuyez. Je ne puis. Il le faut. Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, qui le trouve aisément, qui blesse par la vue, et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue. Fuyons, puisqu'il le faut. Adieu, Pauline, adieu. Dans une heure ou plus tard, je reviens en ce lieu. Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur, y va-t-il de la vie? Il y va de bien plus. Quel est donc ce secret? Vous le saurez un jour. Je vous quitte à regret, mais enfin, il le faut. Vous m'aimez? Je vous aime. Le ciel m'en soit témoin 100 fois plus que moi-même. Mais... Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir. Vous avez des secrets que je ne puis savoir. Quelle preuve d'amour! Au nom de l'Hyménée, donnez à mes soupirs cette seule journée. Un songe vous fait peur. Ces présages sont vains, je le sais, mais enfin je vous aime et je crains. Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu. Vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter. Et ce n'est qu'en fuyant que j'ai pu y résister. Va, néglige mes pleurs! Cours et te précipite au-devant de la mort que les dieux m'ont prédite. Suis cet agent fatal de tes mauvais destins qui peut-être te livre aux mains des assassins. Tu vois, ma Stratonis, en quel siècle nous sommes. Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes, voilà ce qui nous reste. Et l'ordinaire effet de l'amour qu'on nous offre et des vœux qu'on nous fait. Tant qu'ils ne sont qu'amants, nous sommes souveraines. Et jusqu'à la conquête, ils nous traitent de reines. Mais après l'Hyménée, ils sont rois à leur tour. Polyeucte, pour vous ne manque point d'amour. S'il ne vous traite ici d'entière confidence, s'il part malgré vos pleurs, c'est un trait de prudence. Sans vous en affliger, présumez avec moi qu'il est plus à propos qu'il vous scelle. Pourquoi? Assurez-vous sur lui qu'il en a juste cause. Il est bon qu'un mari nous cache quelque chose, qu'il soit quelquefois libre, et ne s'abaisse pas à nous rendre toujours compte de tous ses pas. On a tous deux qu'un cœur qui sans même traverse. Mais ce cœur a pourtant ses fonctions diverses. Et la loi de l'hymen qui vous tient assemblée n'ordonne pas qu'il tremble alors que vous tremblez. Ce qui fait vos frayeurs ne peut le mettre en peine. Il est arménien et vous êtes romaine. Et vous pouvez savoir que nos deux nations n'ont pas sur ce sujet mêmes impressions. Un songe en notre esprit passe pour ridicule. Il ne nous laisse espoir, ni crainte, ni scrupule. Mais il passe dans Rome avec autorité pour fidèle miroir de la fatalité. Quelque peu de crédit que chez vous il obtienne, je crois que ta frayeur égalerait la mienne si de telles horreurs t'avaient frappé l'esprit. Si je t'en avais fait seulement le récit. À raconter ces mots, souvent on les soulage. Écoute. Mais il faut te dire davantage. Et que pour mieux comprendre un si triste discours, tu saches ma faiblesse et mes autres amours. Une femme d'honneur peut avouer sans honte ces surprises d'essence que la raison surmonte. Ce n'est qu'en ces assauts qu'éclate la vertu. Et l'on doute d'un cœur qui n'a point combattu. Dans Rome où je naquis, ce malheureux visage d'un chevalier romain captiva le courage. Il s'appelait Sévère. Excuse les soupirs qu'arrache encore un nom trop cher à mes désirs. Et celui qui naguère aux dépens de sa vie sauva des ennemis votre empereur Décie, qui leur tira mourant la victoire des mains et fit tourner le sort des Perses aux Romains, lui qu'entre tant de morts immolés à son maître on ne put rencontrer ou du moins reconnaître, à qui Décie enfin pour des exploits si beaux fit si pompeusement dresser de 20 tombeaux. Hélas, c'était lui-même. Jamais notre Rome n'a produit plus grand cœur ni vu plus honnête homme. Puisque tu le connais, je ne t'en dirai rien. Je l'aimais, Stratonis. Il le méritait bien. Mais que sert le mérite ou manque la fortune? L'un était grand en lui, l'autre faible et commune. Trop invincible obstacle et dont trop rarement triomphe auprès d'un père un vertueux amant. La digne occasion d'une rare constance. On dit plutôt d'une indigne et folle résistance. Quelque fruit qu'une fille en puisse recueillir, ce n'est une vertu que pour qui veut faillir. Parmi ce grand amour que j'avais pour Sévère, j'attendais un époux de la main de mon père, toujours prêt à le prendre. Et jamais ma raison n'avoua de mes yeux l'aimable trahison. Il possédait mon cœur, mes désirs, ma pensée. Je ne lui cachais point combien j'étais blessée. Nous soupirions ensemble et pleurions nos malheurs. Mais au lieu d'espérance, il n'avait que des pleurs. Et malgré des soupirs si doux, si favorables, mon père et mon devoir étaient inexorables. Enfin, je quittai Rome et ce parfait amant pour suivre ici mon père en son gouvernement. Et lui, désespéré, s'en alla dans l'armée chercher d'un beau trépas l'illustre renommée. Le reste, tu le sais. Mon abord en ces lieux me fit voir Polyeucte et je plus à ses yeux. Et comme il est ici le chef de la noblesse, mon père fut ravi qu'il me prit pour maîtresse. Et par son alliance, il se crut assuré d'être plus redoutable et plus considéré. Il approuva sa flamme et conclut l'hyménée. Et moi, comme à son lit, je me vis destiné. Je donnai par devoir à son affection tout ce que l'autre avait par inclination. Si tu peux en douter, juge-le par la crainte dont en ce triste jour tu me vois là, ma teinte. Elle fait assez voir à quel point vous l'aimez. Mais quel songe, après tout, tient vos sens à l'armée? Je l'ai vu, cette nuit, ce malheureux Sévère. La vengeance à la main, l'œil ardent de colère. Il n'était point couvert de ces tristes lambeaux qu'une ombre désolée emporte des tombeaux. Il n'était point percé de ces coups pleins de gloire qui, retranchant sa vie, assurent sa mémoire. Il semblait triomphant, et tel que sur son char, victorieux dans Rome entre notre César. Après un peu d'effroi que m'a donné sa vue, « Porte à qui tu voudras la faveur qui m'est due, ingrate, m'a-t-il dit, et ce jour expiré, pleure à loisir l'époux que tu m'as préféré. » À ces mots, j'ai frémi, mon âme s'est troublée. Ensuite, des chrétiens, une impie assemblée, pour avancer l'effet de ce discours fatal, a jeté Polyeucte aux pieds de son rival. Soudain, à son secours, j'ai réclamé mon père. Hélas, c'est de tout point ce qui me désespère. J'ai vu mon père même, un poignard à la main, entrer, le bras levé pour lui percer le sein. Là, ma douleur trop forte a brouillé ces images. Le sang de Polyeucte a satisfait leur rage. Je ne sais ni comment ni quand ils l'ont tué, mais je sais qu'à sa mort, tous ont contribué. Voilà quel est mon songe. Il est vrai qu'il est triste. Mais il faut que votre âme à ses frayeurs résiste. La vision de soi peut faire quelque horreur. Mais non pas vous donner une juste terreur. Pouvez-vous craindre un mort? Pouvez-vous craindre un père qui chérit votre époux, que votre époux révère, et dont le juste choix vous a donné à lui pour s'en faire en ces lieux un ferme et sûr appui? Il m'en a dit autant et rit de mes alarmes. Mais je crains des chrétiens les complots et les charmes, et que sur mon époux leurs troupeaux ramassés ne vengent tant de sang que mon père a versé. Leur secte est insensée, impie et sacrilège, et dans son sacrifice use de sortilège. Mais sa fureur ne va qu'à briser nos autels. Elle n'en veut qu'aux dieux et non pas aux mortels. Quelque sévérité que sur eux on déploie, ils souffrent sans murmure et meurent avec joie. Et depuis qu'on les traite en criminels d'État, on ne peut les charger d'aucun assassinat. Tais-toi, mon père, viens. Ma fille, que ton songe en d'étranges frayeurs ainsi que toi me plonge. Que j'en crains des effets qui semblent s'approcher. Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher? Sévère n'est point mort. Quel mal nous fait sa vie? Il est le favori de l'empereur Dési. Après l'avoir sauvé des mains des ennemis, l'espoir d'un si haut rang lui devenait permis. Le destin au grand cœur, si souvent mal propice, se résout quelquefois à leur faire justice.

Cette chère beauté consent que je la vois. Mais ai-je sur son âme encore quelque pouvoir? Quelque reste d'amour s'y fait-il encore voir? Quel trouble, quel transport lui cause ma venue? Puis-je tout espérer de cette heureuse vue? Car je voudrais mourir plutôt que d'abuser des lettres de faveur que j'ai pour l'épouser. Elles sont pour Félix, non pour triompher d'elle. Jamais à ses désirs mon cœur ne fut rebelle, et si mon mauvais sort avait changé le sien, je me vaincrais moi-même et ne prétendrais rien. Vous la verrez, c'est tout ce que je vous puis dire. D'où vient que tu frémis et que ton cœur soupire? Ne m'aime-t-elle plus? Éclaircis-moi ce point. M'en croirez-vous, Seigneur? Ne la revoyez point. Portez en lieu plus haut l'honneur de vos caresses. Vous trouverez à ramasser d'autres maîtresses. Et dans ce haut degré de puissance et d'honneur, les plus grands y tiendront votre amour à bonheur. Qu'à des pensées si bas, mon âme se ravale. Que je tienne Pauline à mon sort inégal. Elle en a mieux usé, je la dois imiter. Je n'aime mon bonheur que pour la mériter. Voyons là, Fabien, ton discours m'importune. Allons mettre à ses pieds cette haute fortune. Je l'ai dans les combats trouvée heureusement, en cherchant une mort digne de son amant. Ainsi se rend qu'est sien, cette faveur est sienne, et je n'ai rien enfin que d'elle je ne tienne. Non, mais encore un coup, ne la revoyez point. Ah, c'en est trop, enfin éclaircis-moi ce point. As-tu vu des froideurs quand tu l'en as prié? Je tremble à vous le dire, elle est... Quoi? Mariée. Soutiens-moi, Fabien. Ce coup de foudre est grand et frappe d'autant plus que plus il me surprend. Seigneur, qu'est devenu ce généreux courage? La constance est ici d'un difficile usage. De pareils déplaisirs accablent un grand cœur. La vertu la plus mâle en perd toute vigueur, et quand d'un feu si beau les âmes sont éprises, la mort les trouble moins que de telles surprises. Je ne suis plus à moi quand j'entends ce discours. Pauline est mariée. Oui, depuis 15 jours, Polyeucte, un seigneur des premiers d'Arménie, goûte de son hymen la douceur infinie. Je ne la puis du moins blâmer d'un mauvais choix. Polyeucte a du nom et sort du sang des rois. Faible soulagement d'un malheur sans remède. Pauline, je verrai qu'un autre vous possède. Ô ciel qui malgré moi me renvoyez au jour, ô sort qui redonniez l'espoir à mon amour. Reprenez la faveur que vous m'avez prêtée et rendez-moi la mort que vous m'avez ôtée. Voyons là toutefois, et dans ce triste lieu, achevons de mourir en lui disant adieu. Que mon cœur, chez les morts, emportant son image, de son dernier soupir puisse lui faire hommage. Seigneur, considérez... Tout est considéré. Quel désordre peut craindre un cœur désespéré? N'y consent-elle pas? Oui, Seigneur, mais... N'importe. Cette vive douleur en deviendra plus forte. Et ce n'est pas un mal que je veuille guérir. Je ne veux que la voir, soupirer et mourir. Vous vous échapperez sans doute en sa présence. Un amant qui perd tout n'a plus de complaisance. Dans un tel entretien, il suit sa passion et ne pousse qu'injures et qu'imprécations. Juge autrement de moi. Mon respect dure encore. Tout violent qu'il est, mon désespoir l'adore. Quels reproches aussi peuvent m'être permis? De quoi puis-je accuser qui ne m'a rien promis? Elle n'est point parjure, elle n'est point légère. Son devoir m'a trahi, mon malheur et son père. Mais son devoir fut juste et son père eut raison. J'impute à mon malheur toute la trahison. Un peu moins de fortune est plutôt arrivée, eût gagné l'un par l'autre et me l'eût conservé. Trop heureux. Mais trop tard, je n'ai pu l'acquérir. Laisse-la moi donc voir, soupirer et mourir. Oui, je vais l'assurer qu'en ce malheur extrême, vous êtes assez fort pour vous vaincre vous-même. Elle a craint comme moi ces premiers mouvements qu'une perte imprévue arrache aux vrais amants et dont la violence excite assez de troubles sans que l'objet présent l'irrite et le redouble. Fabien, je la vois. Seigneur, souvenez-vous. Hélas, elle aime un autre. Un autre est son époux. Oui, je l'aime, Seigneur. Et n'en fais point d'excuses. Que tout autre que moi vous flatte et vous abuse. Pauline a l'âme noble et parle à cœur ouvert. Le bruit de votre mort n'est point ce qui vous perd. Si le ciel en mon choix eût mis mon hyménée, à vos seules vertus je me serais donné. Et toute la rigueur de votre premier sort, contre votre mérite eût fait un vain effort. Je découvrais en vous d'assez illustres marques, pour vous préférer même au plus heureux monarque. Mais puisque mon devoir m'imposait d'autres lois, de quelque amant pour moi que mon père eût fait choix, quant à ce grand pouvoir que la valeur vous donne, vous auriez ajouté l'éclat d'une couronne. Quand je vous aurais vu, quand je l'aurais haï, j'en aurais soupiré, mais j'aurais obéi. Et sur mes passions, ma raison souveraine eût blâmé mes soupirs et dissipé ma haine. Que vous êtes heureuse et qu'un peu de soupir fait un aisé remède à tous vos déplaisirs. Ainsi, de vos désirs, toujours reine absolue, les plus grands changements vous trouvent résolus. De la plus forte ardeur, vous portez vos esprits jusqu'à l'indifférence et peut-être au mépris. Et votre fermeté fait succéder sans peine la faveur au dédain et l'amour à la haine. Qu'un peu de votre humeur ou de votre vertu soulagerait les maux de ce cœur abattu. Un soupir, une larme à regret épandu m'aurait déjà guéri de vous avoir perdu. Ma raison pourrait tout sur l'amour affaibli et de l'indifférence irait jusqu'à l'oubli. Et mon feu désormais se réglant sur le vôtre, je me tiendrais heureux entre les bras d'une autre. Ô trop aimable objet qui m'avait trop charmé, est-ce là comme on aime? Et m'avez-vous aimé? Je vous l'ai trop fait voir, Seigneur. Et si mon âme pouvait bien étouffer les restes de sa flamme, Dieu, que j'éviterais de rigoureux tourments. Ma raison, il est vrai, dompte mes sentiments. Mais quelque autorité que sur eux elle est prise, elle n'y règne pas. Elle les tyrannise. Et quoi que le dehors soit sans émotion, le dedans n'est que trouble et que sédition. Je ne sais quel charme encore vers vous m'emporte. Votre mérite est grand si ma raison est forte. Je le vois encore, tel qu'il alluma mes feux, d'autant plus puissamment solliciter mes vœux qu'il est environné de puissance et de gloire. Qu'en tout lieu après vous il traîne la victoire, que j'en sais mieux le prix, et qu'il n'a point déçu le généreux espoir que j'en avais conçu. Mais ce même devoir qui le vainquit dans Rome, et qui me range ici dessous les lois d'un homme, repousse encore si bien l'effort de tant d'appât qu'il déchire mon âme et ne l'ébranle pas. C'est cette vertu même à nos désirs cruels que vous louiez alors en blasphémant contre elle. Plaignez-vous-en encore, mais louez sa rigueur qui triomphe à la fois de vous et de mon cœur. Et voyez qu'un devoir moins ferme et moins sincère n'aurait pas mérité l'amour du grand sévère. Ah, madame, excusez une aveugle douleur qui ne connaît plus rien que l'excès du malheur. Je nommais inconstance et prenais pour un crime de ce juste devoir l'effort le plus sublime. De grâce, montrez-moi à mes sens désolés la grandeur de ma perte et ce que vous valez, et cachant par pitié cette vertu si rare qui redouble mes feux lorsqu'elle nous sépare, faites voir des défauts qui puisent à leur tour affaiblir ma douleur avec mon amour. Hélas! Cette vertu, quoiqu'enfin invincible, ne laisse que trop voir une âme trop sensible. Ses pleurs en sont témoins, et ses lâches soupirs qu'arrachent de nos feux les cruels souvenirs. Trop rigoureux effet d'une aimable présence contre qui mon devoir a trop peu de défense. Mais si vous estimez ce vertueux devoir, conservez-moi la gloire et cessez de me voir. Épargnez-moi des pleurs qui coulent à ma honte. Épargnez-moi des feux qu'à regret je surmonte. Enfin, épargnez-moi ces tristes entretiens qui ne font qu'irriter vos tourments et les miens. Que je me prive ainsi du seul bien qui me reste. Sauvez-vous d'une vue à tous les deux funeste. Quel prix de mon amour, quel fruit de mes travaux. C'est le remède seul qui peut guérir nos maux. Je veux mourir des miens, aimez-en la mémoire. Je veux guérir des miens, ils souilleraient ma gloire. Ah, puisque votre gloire en prononce l'arrêt, il faut que ma douleur cède à son intérêt. Est-il rien que sur moi cette gloire n'obtienne? Elle me rend les soins que je dois à la mienne. Adieu. Je vais chercher au milieu des combats cette immortalité que donne un beau trépas, et remplir dignement par une mort pompeuse de mes premiers exploits l'attente avantageuse, si toutefois, après ce coup mortel du sort, j'ai de la vie assez pour chercher une mort. Et moi, dont votre vue augmente le supplice, je l'éviterai même en votre sacrifice. Et seul dans ma chambre enfermant mes regrets, je vais pour vous, ô Dieu, faire des vœux secrets. Puisse le juste ciel, content de ma ruine, combler d'heures et de jours, Polyeucte et Pauline, puisse trouver sévère après tant de malheurs une félicité digne de sa valeur. Il la trouvait en vous. Je dépendais d'un père. Oh, devoir qui me paie et qui me désespère. Adieu, trop vertueux objet et trop charmant. Adieu, trop malheureux et trop parfait amant. Je vous ai plaint tous deux. J'en verse encore des larmes. Mais du moins, votre esprit est hors de ces alarmes. Vous voyez clairement que votre songe est vain. Sévère ne vient pas la vengeance à la main. Laisse-moi respirer du moins si tu m'as plainte. Au fort de ma douleur, tu rappelles ma crainte. Souffre un peu de relâche à mes esprits troublés, ne m'accable point par des mots redoublés. Quoi, vous craignez encore? Je tremble, Stratonis. Et bien que je m'effraie avec peu de justice, cette injuste frayeur sans cesse reproduit l'image des malheurs que j'ai vus cette nuit. Sévère et généreux. Malgré sa retenue, Polyeucte sanglant frappe toujours ma vue. Vous voyez ce rival faire des vœux pour lui? Je crois même au besoin qu'il serait son appui. Mais soit cette croyance ou fausse ou véritable, son séjour en ce lieu m'est toujours redoutable. À quoi que sa vertu puisse le disposer, il est puissant, il m'aime et vient pour m'épouser. C'est trop versé de pleurs. Il est temps qu'il tarisse, que votre douleur cesse et vos craintes finissent. Malgré les faux avis par vos dieux envoyés, je suis vivant, madame, et vous me revoyez. Le jour est encore long. Et ce qui plume effraie la moitié de la vie se trouve déjà vrai. J'ai cru Sévère mort et je le vois ici. Je le sais. Mais enfin, j'en prends peu de souci. Je suis dans Mélitène et quel que soit Sévère, votre père y commande et l'on m'y considère. Et je ne pense pas qu'on puisse avec raison, d'un cœur tel que le sien, craindre une trahison. On m'avait assuré qu'il vous faisait visite et je venais lui rendre un honneur qu'il mérite. Il vient de me quitter assez triste et confus. Mais j'ai gagné sur lui qu'il ne me verra plus. Quoi, vous me soupçonnez déjà de quelque ombrage? Je ferais à tous trois un trop sensible outrage. J'assure mon repos que troublent ses regards. La vertu la plus ferme évite les hasards. Qui s'expose au péril veut bien trouver sa perte. Et pour vous en parler avec une âme ouverte, depuis qu'un vrai mérite a pu nous enflammer, sa présence toujours a droit de nous charmer. Outre qu'on doit rougir de s'en laisser surprendre, on souffre à résister, on souffre à s'en défendre. Et bien que la vertu triomphe de ses feux, la victoire est pénible et le combat honteux. Oh, vertu trop parfaite et devoir trop sincère, que vous devez coûter de regrets à Sévère, qu'aux dépens d'un beau feu vous me rendez heureux, et que vous êtes doux à mon cœur amoureux.

douce tranquillité que je n'ose espérer que ton divin rayon tarde à les éclairer. Mille agitations que mes troubles produisent dans mon cœur ébranlé tour à tour se détruisent. Aucun espoir n'y coule où j'ose persister, aucun effroi n'y règne où j'ose m'arrêter. Mon esprit, embrassant tout ce qu'il s'imagine, voit tantôt mon bonheur et tantôt ma ruine, et suit leur vaine idée avec si peu d'effet qu'il ne peut espérer ni craindre tout à fait. Ces vers incessamment brouillent ma fantaisie, j'espère en sa vertu, je crains sa jalousie, et je n'ose penser que d'un œil bien égal, Polyeucte en ces lieux puisse voir son rival. Comme entre deux rivaux la haine est naturelle, l'entrevue aisément se termine en querelle. L'un voit au moins d'autrui ce qu'il croit mériter, l'autre un désespéré qui peut trop attenter. Quelque autre raison qui règle leur courage, l'un conçoit de l'envie et l'autre de l'ombrage. La honte d'un affront que chacun d'eux croit voir ou de nouveau reçu ou prêt à recevoir, consumant dès l'abord toute leur patience, forme de la colère et de la défiance, et saisissant ensemble et l'épouse et l'amant, en dépit d'eux les livrent à leur ressentiment. Mais que je me figure une étrange chimère et que je traite mal Polyeucte et Sévère, comme si la vertu de ces fameux rivaux ne pouvait s'affranchir de ses communs défauts. Leurs âmes à tous deux d'elles-mêmes maîtresses sont d'un ordre trop haut pour de telles bassesses. Ils se verront au temple en hommes généreux. Mais hélas, ils se verront, et c'est beaucoup pour eux. Que sert à mon époux d'être dans Mélitène si contre lui sévère arme l'aigle romaine? Si mon père y commande et craint ce favori et se repent déjà du choix de mon mari? Si peu que j'ai d'espoir ne lui qu'avec contrainte. En naissant, il avorte et fait place à la crainte. Ce qui doit l'affermir sert à le dissiper. Dieu, faites que ma peur puisse enfin se tromper. Mais sachons-en l'issue. Eh bien, ma Stratonis, comment s'est terminé ce pompeux sacrifice? Ces rivaux généreux au temple se sont vus. Oh, Pauline! Mes voeux ont-ils été déçus? J'en vois sur ton visage une mauvaise marque. Se sont-ils querellés? Polyeucte, Néarque, les chrétiens! Parle donc, les chrétiens! Je ne puis. Tu prépares mon âme à d'étranges ennuis. Vous n'oseriez avoir une plus juste cause. L'ont-ils assassiné? Ce serait peu de chose. Tout votre songe est vrai. Polyeucte n'est plus. Il est mort! Non, il vit! Mais. Oh, pleurs superflus! Ce courage si grand, cette âme si divine, n'est plus digne du jour ni digne de Pauline. Ce n'est plus cet époux si charmant à vos yeux. C'est l'ennemi commun de l'État et des dieux. Un méchant, un infâme, un rebelle, un perfide, un traître, un scélérat, un lâche, un parricide, une peste exécrable à tous les gens de bien, un sacrilège impie, en un mot, un chrétien. Ce mot aurait suffi sans ce torrent d'injures. Ces titres aux chrétiens sont des impostures. Il est ce que tu dis s'il embrasse leur foi, mais il est mon époux. Et tu parles à moi. Ne considérez plus que le Dieu qu'il adore. De l'aimer par devoir, ce devoir dure encore. Il vous donne à présent sujet de le haïr, qui trahit tous nos dieux, aurait pu vous trahir. Je l'aimerais encore quand il m'aurait trahi. Et si de tant d'amour tu peux être ébahi, apprends que mon devoir ne dépend point du sien, qu'il y manque s'il veut. Je dois faire le mien. Quoi, s'il aimait ailleurs, serais-je dispensé à suivre à son exemple une ardeur insensée? Quelque chrétien qu'il soit, je n'en ai point d'horreur. Je chéris sa personne et je hais son erreur. Mais quel ressentiment en témoigne mon père? Une secrète rage, un excès de colère. Malgré qui, toutefois, un reste d'amitié montre pour Polyeucte encore quelque pitié. Il ne veut point sur lui faire agir sa justice que du traître Néarque il n'ait vu le supplice. Quoi, Néarque en est donc? Néarque l'a séduit. De leur vieille amitié, c'est là l'indigne fruit. Ce perfide, tantôt, en dépit de lui-même, l'arrachant de vos bras, le traînait au baptême. Voilà ce grand secret, si mystérieux que n'en pouvait tirer votre amour curieux. Tu me blâmais alors d'être trop importune. Je ne prévoyais pas une telle infortune. Avant qu'abandonner mon âme à mes douleurs, il me faut essayer la force de mes plaies. En qualité de femme ou de fille, j'espère qu'ils vaincront un époux ou fléchiront un père. Que si sur l'un et l'autre il manque de pouvoir, je ne prendrai conseil que de mon désespoir. Apprends-moi cependant ce qu'ils ont fait au temple. C'est une impiété qui n'eut jamais d'exemple. Je ne puis y penser sans frémir à l'instant et crains de faire un crime en vous la racontant. Apprenez en deux mots leur brutale insolence. Le prêtre avait à peine obtenu du silence et devant l'Orient assuré son aspect qu'ils ont fait éclater leur manque de respect. À chaque occasion de la cérémonie, à l'envi, l'un et l'autre étalaient sa manie. Des mystères sacrés hautement se moquaient et traitaient de mépris les dieux qu'on invoquait. Tout le peuple en murmure et Félix s'en offense. Mais tous deux, s'en portant à plus d'irrévérence, « Quoi ? » lui dit Polyeucte en élevant sa voix. « Adorez-vous des dieux ou de pierre ou de bois ? Ici, dispensez-moi du récit des blasphèmes qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter même. L'adultère et l'inceste en étaient les plus doux. Oyez, dit-il ensuite, oyez peuple, oyez tous, le dieu de Polyeucte est celui de Néarque, de la terre et du ciel, et l'absolu monarque, seul être indépendant, seul maître du destin, seul principe éternel et souveraine fin. C'est ce dieu des chrétiens qu'il faut qu'on remercie des victoires qu'il donne à l'empereur Décie. Lui seul tient en sa main le succès des combats. Il le veut élever, il le peut mettre à bas. Sa bonté, son pouvoir, sa justice est immense. C'est lui seul qui punit, lui seul qui récompense. Vous adorez en vain des monstres impuissants. Se jetant à ces mots sur le vin et l'encens, après en avoir mis les saints vases par terre, sans crainte de Félix, sans crainte du tonnerre, d'une fureur pareille, ils courent à l'autel. A-t-on jamais vu, a-t-on rien vu de tel ? Du plus puissant des dieux, nous voyons la statue par une main impie, à leurs pieds abattus, les mystères troublés, le temple profané, la fuite et les clameurs d'un peuple mutiné qui craint d'être accablé sous le courroux céleste. Félix ! Mais le voici, qui vous dira le reste ? Que son visage est sombre et plein d'émotions, qu'il montre de tristesse et d'indignation. Une telle insolence, avoir osé paraître, en public, à ma vue, il en mourra le traître. Souffrez que votre fille embrasse vos genoux. Je parle de Néarque et non de votre époux. Quelqu'un digne qu'il soit de ce doux nom de gendre, mon âme lui conserve un sentiment plus tendre. La grandeur de son crime et de mon déplaisir n'a pas éteint l'amour qui me l'a fait choisir. Je n'attendais pas moins de la bonté d'un père. Je pouvais l'immoler à ma juste colère, car vous n'ignorez pas à quel comble d'horreur de son audace impie a monté la fureur. Vous l'avez pu savoir du moins de Stratonis. Je sais que de Néarque qu'il doit voir le supplice. Du conseil qu'il doit prendre, il sera mieux instruit quand il verra punir celui qui l'a séduit. Au spectacle sanglant d'un ami qu'il faut suivre, la crainte de mourir et le désir de vivre ressaisissent une âme avec tant de pouvoir que qui voit le trépas cesse de le vouloir. L'exemple touche plus que ne fait la menace. Cette indiscrète ardeur tourne bientôt en glace et nous verrons bientôt son cœur inquiété me demander pardon de tant d'impiété. Vous pouvez espérer qu'il change de courage? Au dépens de Néarque, il doit se rendre sage. Il le doit. Mais hélas, où me renvoyez-vous? Et quel triste hasard ne court point mon époux si de son inconstance! Il faut qu'enfin j'espère le bien que j'espérais de la bonté d'un père. Je vous en fais trop voir, Pauline, à consentir qu'il évite la mort par un prompt repentir. Je devais même peine à des crimes semblables. Et m'étant différente entre ces deux coupables, j'ai trahi la justice à l'amour paternel. Je me suis fait, pour lui, moi-même criminel. J'attendais de vous, au milieu de vos craintes, plus de remerciements que je n'entends de plaintes. De quoi remercier qui ne me donne rien? Je sais quelle est l'humeur et l'esprit d'un chrétien. Dans l'obstination jusqu'au bout, il demeure. Vouloir s'en repentir, c'est ordonner qu'il meure. Sa grâce est en sa main, c'est à lui d'y rêver. Faites-la tout entière. Il la peut achever. Ne l'abandonnez pas aux fureurs de sa secte. Je l'abandonne aux lois qu'il faut que je respecte. Est-ce ainsi que d'un gendre un beau-père l'appuie? Qu'il fasse autant pour soi comme je fais pour lui. Mais il est aveuglé. Mais il se plaît à l'être. Qui chérit son erreur ne la veut pas connaître. Mon père, au nom des dieux! Ne les réclamez pas, c'est Dieu dont l'intérêt demande son trépas. Ils écoutent nos voeux. Eh bien, qu'il leur en fasse. Au nom de l'empereur dont vous tenez la place. J'ai son pouvoir en main. Mais s'il me l'a commis, c'est pour le déployer contre ses ennemis. Polyeucte, quel est-il? Tous chrétiens sont rebelles. N'écoutez point pour lui ces maximes cruelles. En épousant Pauline, il s'est fait votre sang. Je regarde sa faute et ne vois plus son rang. Quand le crime d'État se mêle au sacrilège, le sang ni l'amitié n'ont plus de privilège. Quel excès de rigueur! Moindre que son forfait! Oh, de mensonges affreux, trop véritable effet! Voyez-vous qu'avec lui, vous perdez votre fille? Les dieux et l'empereur sont plus que ma famille. La perte de tous deux ne vous peut arrêter! J'ai les dieux et Décy ensemble à redouter. Mais nous n'avons encore à craindre rien de triste. Dans son aveuglement, pensez-vous qu'il persiste? S'il nous semblait tantôt courir à son malheur, c'est d'un nouveau chrétien la première chaleur. Si vous l'aimez encore, quittez cette espérance que deux fois en un jour il change de croyance. Outre que les chrétiens ont plus de dureté, vous attendez de lui trop de légèreté. Ce n'est point une erreur avec le lait sucé que sans l'examiner son âme est embrassée. Polygote est chrétien parce qu'il l'a voulu et vous portez au temple un esprit résolu. Vous devez présumer de lui comme du reste. Le trépas n'est pour eux ni honteux ni funeste. Ils cherchent de la gloire à mépriser nos dieux. Aveugles pour la terre, ils aspirent aux cieux. Et croyant que la mort leur en ouvre la porte, tourmentés, déchirés, assassinés, n'importe. Les supplices leur sont ce qu'à nous les plaisirs et les mènent au but où tendent leurs désirs. La mort la plus infâme, ils l'appellent martyr. Eh bien donc, Polyeucte aura ce qu'il désire. N'en parlons plus. Mon père. Albin, en est-ce fait? Oui, seigneur. Énéarque a payé son forfait. Et notre Polyeucte a vu trancher sa vie? Il l'a vu, mais hélas, avec un œil d'envie. Il brûle de le suivre au lieu de reculer et son cœur s'affermit au lieu de s'ébranler. Je vous le disais bien. Encore un coup, mon père, si jamais mon respect a pu vous satisfaire, si vous l'avez prisé, si vous l'avez chéri. Vous aimez trop, Pauline, un indigne mari. Je l'ai de votre main. Mon amour est sans crime. Il est de votre choix la glorieuse estime. Et j'ai, pour l'accepter, éteint le plus beau feu qui d'une âme bien née ait mérité l'aveu. Au nom de cette aveugle et prompte obéissance que j'ai toujours rendue aux lois de la naissance, si vous avez pu tout sur moi, sur mon amour, que je puisse sur vous quelque chose à mon tour, par ce juste pouvoir à présent trop à craindre, par ces beaux sentiments qu'il m'a fallu contraindre, ne m'ôtez pas vos dons, ils sont chers à mes yeux et m'ont assez coûté pour m'être précieux. Vous m'importunez trop. Bien que j'ai un cœur tendre, je n'aime la pitié qu'au prix que j'en veux prendre. Employez mieux l'effort de vos justes douleurs. Malgré moi m'en toucher, c'est perdre et temps et pleurs. J'en veux être le maître. Et je veux bien qu'on sache que je la désavoue alors qu'on me l'arrache. Préparez-vous à voir ce malheureux chrétien et faites votre effort quand j'aurai fait le mien. Allez, n'irritez plus un père qui vous aime et tâchez d'obtenir votre époux de lui-même. Tantôt, jusqu'en ce lieu, je le ferai venir. Cependant, quittez-nous. Je veux l'entretenir. De grâce, permettez. Laissez-nous seuls, vous dis-je. Votre douleur m'offense autant qu'elle m'afflige. À gagner, Polyeucte, appliquez tous vos soins. Vous avancerez plus en m'importunant moins. Albin, comme est-il mort? En brutal. En impie, en bravant les tourments, en dédaignant la vie sans regret, sans murmure et sans étonnement, dans l'obstination et l'endurcissement, comme un chrétien, enfin, le blasphème à la bouche. Et l'autre? Je l'ai dit déjà, rien ne le touche. Loin d'en être abattu, son cœur en est plus haut, on l'a violenté pour quitter l'échafaud. Il est dans la prison où je l'ai vu conduire, mais vous êtes bien loin encore de le réduire. Que je suis malheureux. Tout le monde vous plaint. On ne sait pas les mots dont mon cœur est atteint. De pensée sur pensée, mon âme est agitée. De souci sur souci, elle est inquiétée. Je sens l'amour, la haine et la crainte et l'espoir, la joie et la douleur, tour à tour l'émouvoir. J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables. J'en ai de violents, j'en ai de pitoyables, j'en ai de généreux qui n'oseraient agir. J'en ai même de bas et qui me font rougir. J'aime ce malheureux que j'ai choisi pour gendre. Je hais l'aveugle erreur

À quelque extrémité que votre crime passe, vous êtes innocent si vous vous faites grâce. Daignez considérer le sang dont vous sortez, vos grandes actions, vos rares qualités. Chéri de tout le peuple, estimé chez le prince, gendre du gouverneur de toute la province. Je ne vous compte à rien le nom de mon époux, c'est un bonheur pour moi qui n'est pas grand pour vous. Mais après vos exploits, après votre naissance, après votre pouvoir, voyez notre espérance et n'abandonnez pas à la main d'un bourreau ce qu'à nos justes vœux promet un sort si beau. Je considère plus. Je sais mes avantages et l'espoir que sur eux forment les grands courages. Ils n'aspirent enfin qu'à des biens passagers que troublent les soucis, que suivent les dangers. La mort nous les ravit, la fortune s'en joue. Aujourd'hui dans le trône et demain dans la boue. Et leur plus haut éclat fait tant de mécontents que peu de vos Césars en ont joui longtemps. J'ai de l'ambition, mais plus noble et plus belle. Cette grandeur périt, j'en veux une immortelle. Un bonheur assuré, sans mesure et sans fin, au-dessus de l'envie, au-dessus du destin. Est-ce trop lâcheté que d'une triste vie, qui tantôt, qui soudain me peut être ravie, qui ne me fait jouir que d'un instant qui fuit, et ne peut m'assurer de celui qui le suit. Voilà de vos chrétiens les ridicules songes. Voilà jusqu'à quel point vous charment leurs mensonges. Tout votre sang est peu pour un bonheur si doux. Mais pour en disposer, ce sang est-il à vous? Vous n'avez pas la vie ainsi qu'un héritage. Le jour qui vous la donne en même temps l'engage, vous la devez au prince, au public, à l'État. Je la voudrais pour eux perdre dans un combat. Je sais quelle en est l'heure et quelle en est la gloire. Des aïeux de Décy ont vante la mémoire, et ce nom prestigieux encore à vos Romains, au bout de 600 ans lui met l'empire aux mains. Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne. Mais je la dois bien plus au Dieu qui me la donne. Si mourir pour son prince est un illustre sort, quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort? Quel Dieu? Tout beau, Pauline, il entend vos paroles. Et ce n'est pas un Dieu comme vos dieux frivoles, insensibles et sourds, impuissants, mutilés, de bois, de marbre ou d'or, comme vous les voulez. C'est le Dieu des chrétiens, c'est le mien. C'est le vôtre. Et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre. Adorez-le dans l'âme et n'en témoignez rien. Que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien. Ne feignez qu'un moment, laissez partir ces vers et donnez lieu d'agir aux bontés de mon père. Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir. Il m'ôte des périls que j'aurais pu courir. Et sans me laisser lieu de tourner en arrière, sa faveur me couronne en entrant dans la carrière. Du premier coup de vent, il me conduit au port, et sortant du baptême, il m'envoie à la mort. Si vous pouviez comprendre, et le peu qu'est la vie, et de quelle douceur cette mort est suivie. Mais que sert de parler de ces trésors cachés à des esprits que Dieu n'a pas encore touchés? Cruel! Car il est temps que ma douleur éclate, et qu'un juste reproche accable une âme ingrate. Est-ce là ce beau feu? Sont-ce là tes serments? Témoignes-tu pour moi les moindres sentiments? Je ne te parlais point de l'état déplorable où ta mort va laisser ta femme inconsolable. Je croyais que l'amour t'en parlerait assez et je ne voulais pas de sentiments forcés. Mais cet amour si ferme et si bien mérité que tu m'avais promis et que je t'ai porté, quand tu me veux quitter, quand tu me fais mourir, te peut-elle arracher une larme, un soupir? Tu me quittes, ingrat, et le fais avec joie. Tu ne la caches pas, tu veux que je la voie. Et ton cœur insensible à ces tristes appâts se figure un bonheur où je ne serai pas. C'est donc là le dégoût qu'apporte l'Hyménée. Je te suis, ô Dieu, après m'être donné. Que cet hélas a de peine à sortir. Encore, s'il commençait un heureux repentir, que tout forcé qu'il est, j'y trouverais de charme. Mais courage, Il s'émeut, je vois couler des larmes. J'en verse. Et plus à Dieu qu'à force d'en verser, ce cœur trop endurci se put enfin percer. Le déplorable état où je vous abandonne est bien digne des pleurs que mon amour vous donne. Et si l'on peut au ciel sentir quelque douleur, j'y pleurerai pour vous l'excès de vos malheurs. Mais si, dans ce séjour de gloire et de lumière, ce Dieu tout juste et bon peut souffrir ma prière, s'il y daigne écouter un conjugal amour, sur votre aveuglement, il répandra le jour. Seigneur, de vos bontés, il faut que je l'obtienne. Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne. Avec trop de mérite, il vous plut la former pour ne vous pas connaître et ne vous pas aimer. Pour vivre des enfers, esclaves infortunés. Et sous leur triste joug, mourir comme elle est née. Que dis-tu, malheureux? Qu'oses-tu souhaiter? Ce que de tout mon sang je voudrais acheter. Que plutôt? C'est en vain qu'on se mette en défense. Ce Dieu touche les cœurs lorsque moins on y pense. Ce bienheureux moment n'est pas encore venu. Il viendra, mais le temps ne m'en est pas connu. Quittez cette chimère et m'aimez. Je vous ai beaucoup moins que mon Dieu. Mais bien plus que moi-même. Au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas. Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas. C'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire. C'est peu d'aller au ciel, je vous y veux conduire. Imagination. Céleste vérité. Étrange aveuglement. Éternelle clarté. Tu préfères la mort à l'amour de Pauline. Vous préférez le monde à la bonté divine. Va, cruel, va mourir, tu ne m'aimas jamais. Vivez heureuse au monde et me laissez en paix. Oui, je t'y vais laisser, ne t'en mets plus en peine, je vais. Et quel dessein en ce lieu vous amène, Sébert? Aurait-on cru qu'un cœur si généreux pût venir jusqu'ici braver un malheureux? Vous traitez mal, Pauline, un si rare mérite. À ma seule prière, il rend cette visite. Je vous ai fait, Seigneur, une incivilité que vous pardonnerez à ma captivité. Possesseur d'un trésor dont je n'étais pas digne, souffrez avant ma mort que je vous le résigne et laisse la vertu la plus rare à nos yeux qu'une femme jamais pût recevoir des cieux aux mains du plus vaillant et du plus honnête homme qu'est adoré la terre et qu'est vu naître Rome. Vous êtes digne d'elle. Elle est digne de vous. Ne la refusez pas de la main d'un époux. S'il vous a désuni, sa mort vous va rejoindre. Qu'un feu jadis si beau n'en devienne pas moindre, rendez-lui votre cœur et recevez sa foi. Vivez heureux ensemble et mourrez comme moi. C'est le bien qu'à tous deux Polyeucte désire. Qu'on me mène à la mort, je n'ai plus rien à dire. Allons, garde. Je suis confus pour lui de son aveuglement. Sa résolution a si peu de pareil qu'à peine je me fie encore à mes oreilles. Un cœur qui vous chérit. Mais quel cœur assez bas aurait pu vous connaître et ne vous chérir pas? Un homme aimé de vous, sitôt qu'il vous possède, sans regret, il vous quitte. Il fait plus, il vous cède. Et comme si vos feux étaient un don fatal, il en fait un présent lui-même à son rival. Certes, où les chrétiens ont d'étranges manies, où leurs félicités doivent être infinies, puisque pour y prétendre, ils osent rejeter ce que de tout l'Empire il faudrait acheter. Pour moi, si mes destins un peu plus trop propices eussent de votre hymen honoré mes services, je n'aurais adoré que l'éclat de vos yeux. J'en aurais fait mes rois, j'en aurais fait mes dieux. On m'aurait mis en poudre, on m'aurait mis en cendre avant que... Brisons-la. Je crains de trop entendre. Et que cette chaleur qui sent vos premiers feux ne pousse quelque suite indigne de nous deux. Sévère, connaissez Pauline tout entière. Mon Polyeucte touche à son heure dernière. Pour achever de vivre, il n'a plus qu'un moment. Vous en êtes la cause encore qu'innocemment. Je ne sais si votre âme, à vos désirs ouvertes, aurait osé former quelque espoir sur sa perte. Mais sachez qu'il n'est point de si cruel trépas où d'un front assuré je ne porte mes pas. Qu'il n'est point aux enfers d'horreur que je n'endure, plutôt que de souiller une gloire si pure, que d'épouser un homme après son triste sort qui, de quelque façon, soit cause de sa mort. Et si vous me croyez d'une âme si peu saine, l'amour que j'eus pour vous tournerait tout en haine. Vous êtes généreux. Soyez-le jusqu'au bout. Mon père est en état de vous accorder tout. Il vous craint. Et j'avance encore cette parole que s'il perd mon époux, c'est à vous qu'il l'immole. Sauvez ce malheureux. Employez-vous pour lui. Faites-vous un effort pour lui servir d'appui. Je sais que c'est beaucoup que ce que je demande. Mais plus l'effort est grand, plus la gloire en est grande. Conserver un rival dont vous êtes jaloux, c'est un trait de vertu qui n'appartient qu'à vous. Et si ce n'est assez de votre renommée, c'est beaucoup qu'une femme autrefois tant aimée et dont l'amour peut-être encore vous peut toucher doive à votre grand cœur ce qu'elle a de plus cher. Souvenez-vous enfin que vous êtes sévère. Adieu. Résolvez seul ce que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas tel que je l'ose espérer, pour vous priser encore, je le veux ignorer. Qu'est-ce ceci, Fabien? Quel nouveau coup de foudre tombe sur mon bonheur et le réduit en poudre. Plus je l'estime près, plus il est éloigné. Je trouve tout perdu quand je crois tout gagner, et toujours la fortune, à me nuire obstinée, tranche mon espérance aussitôt qu'elle est née. Avant qu'offrir des vœux, je reçois des refus. Toujours triste, toujours et honteuse et confus de voir que lâchement elle est osée renaître, qu'encore plus lâchement elle est osée paraître, et qu'une femme enfin dans la calamité me fasse des leçons de générosité. Votre belle âme est haute autant que malheureuse, mais elle est inhumaine autant que généreuse, Pauline. Et vos douleurs avec trop de rigueur d'un amant tout à vous tyrannisent le cœur. C'est donc peu de vous perdre. Il faut que je vous donne, que je serve un rival lorsqu'il vous abandonne, et que par un cruel et généreux effort, pour vous rendre en ses mains, je l'arrache à la mort. Laissez à son destin cette ingrate famille, qu'il accorde, s'il veut, le père avec la fille, Polyeucte et Félix, l'épouse avec l'époux. D'un si cruel effort, quel prix espérez-vous? La gloire de montrer à cette âme si belle que Sévère l'égale,

celui d'être chrétien s'échappe, et par hasard, je vous viens d'obliger à me parler sans phare. Ben, ne présume pas que, quoi que je te jure, de tes nouveaux docteurs, je suive l'imposture. Je flattais ta manie, afin de t'arracher du honteux précipice où tu vas trébucher. Je voulais gagner temps pour ménager ta vie après l'éloignement d'un flatteur de décis. Mais j'ai fait trop d'injures à nos dieux tout-puissants. Choisis de leur donner ton sang ou de l'encens. Mon choix n'est point douteux. Mais j'aperçois Pauline. Oh, ciel! Qui de vous deux aujourd'hui m'assassine? Sont-ce tous deux ensemble ou chacun à son tour? Ne pourrais-je fléchir la nature ou l'amour? Et n'obtiendrai-je rien d'un époux ni d'un père? Parlez à votre époux. Vivez avec Sévère. Tigre, assassine-moi du moins sans m'outrager. Mon amour, par pitié, cherche à vous soulager. Il voit quelle douleur dans l'âme vous possède, et sait qu'un autre amour en est le seul remède. Puisqu'un si grand mérite a pu vous enflammer, sa présence toujours a droit de vous charmer. Vous l'aimiez, il vous aime, et sa gloire augmentée... Que t'ai-je fait cruel pour être ainsi traité? Et pour me reprocher au mépris de ma foi un amour si puissant que j'ai vaincu pour toi. Vois pour te faire vaincre un si fort adversaire. Quels efforts à moi-même il a fallu me faire. Quel combat j'ai donné pour te donner un cœur si justement acquis à son premier vainqueur. Et si l'ingratitude en ton cœur ne domine, fais quelque effort sur toi pour te rendre à Pauline. Apprends d'elle à forcer ton propre sentiment. Prends sa vertu pour guide dans ton aveuglement. Souffre que de toi-même elle obtienne ta vie, pour vivre sous tes lois, à jamais asservie. Si tu peux rejeter de si justes désirs, regarde au moins ses pleurs, écoute ses soupirs. Ne désespère pas une âme qui t'adore. Je vous l'ai déjà dit, et vous le dis encore, vivez avec Sévère, ou mourrez avec moi. Je ne méprise point vos pleurs ni votre foi. Mais de quoi que pour vous notre amour m'entretienne, je ne vous connais plus si vous n'êtes chrétienne. C'en est assez, Félix. Reprenez ce courroux. Et sur cet insolent, vengez vos dieux et vous. Ah, mon père! Son crime à peine est pardonnable. Mais s'il est insensé, vous êtes raisonnable. La nature est trop forte et ses aimables traits imprimés dans le sang ne s'effacent jamais. Un père est toujours père. Et sur cette assurance, j'ose appuyer encore un reste d'espérance. Jetez sur votre fille un regard paternel. Ma mort suivra la mort de ce cher criminel. Et les dieux trouveront sa peine illégitime, puisqu'elle confondra l'innocence et le crime, et qu'elle changera par ce redoublement en injuste rigueur, injuste châtiment. Nos destins par vos mains rendus inséparables nous doivent rendre heureux ensemble ou misérables. Et vous seriez cruel jusqu'au dernier point si vous désunissiez ce que vous avez joint. Un cœur à l'autre uni jamais ne se retire. Et pour l'en séparer, il faut qu'on le déchire. Mais vous êtes sensible à mes justes douleurs. Et d'un œil paternel, vous regardez mes pleurs. Oui, ma fille. Il est vrai qu'un père est toujours père. Rien n'en peut effacer le sacré caractère. Je porte un cœur sensible et vous l'avez percé. Je me joins avec vous contre cet insensé. Malheureux Polyeucte, es-tu seul insensible? Et veux-tu rendre seul ton crime irrémissible? Peux-tu voir tant de pleurs d'un œil si détaché? Peux-tu voir tant d'amour sans en être touché? Ne reconnais-tu plus ni beau-père, ni femme, sans amitié pour l'un et pour l'autre sans flamme? Pour reprendre les noms de gendre et d'époux, veux-tu nous voir tous deux embrasser tes genoux? Que tout cet artifice est de mauvaise grâce. Après avoir deux fois essayé la menace, après m'avoir fait voir Néarque dans la mort, après avoir tenté l'amour et son effort, après m'avoir montré cette soif du baptême pour opposer à Dieu l'intérêt de Dieu même, vous vous joignez ensemble. Ah, ruse de l'enfer! Faut-il tant de fois vaincre avant que triompher? Vos résolutions usent trop de remise. Prenez la vôtre, enfin, puisque la mienne est prise. Je n'adore qu'un Dieu, maître de l'univers, sous qui tremble le ciel, la terre et les enfers. Un Dieu qui, nous aimant d'un amour infini, voulut mourir pour nous avec ignominie. et qui, par un effort de cet excès d'amour, veut pour nous en victime être offert chaque jour. Mais j'ai tort d'en parler à qui ne peut m'entendre. Voyez l'aveugle erreur que vous osez défendre. Des crimes les plus noirs, vous souillez tous vos dieux. Vous n'en punissez point qui n'est son maître aux cieux. La prostitution, l'adultère, l'inceste, le vol, l'assassinat et tout ce qu'on déteste, c'est l'exemple qu'à suivre offrent vos immortels. J'ai profané leurs temples et brisé leurs autels. Je le ferais encore si j'avais à le faire, même aux yeux de Félix, même aux yeux de Sévère, même aux yeux du Sénat, aux yeux de l'Empereur. Enfin, ma bonté cède à ma juste fureur. Adore-les ou meurs. Je suis chrétien. Impie. Adore-les, te dis-je, ou renonce à la vie. Je suis chrétien. Tu l'es ? Ô cœur trop obstiné, soldat, exécutez l'ordre que j'ai donné. Où le conduisez-vous ? À la mort. À la gloire. Chère Pauline, adieu. Conservez ma mémoire. Je te suivrai partout et mourrai si tu meurs. Ne suivez point mes pas ou quittez vos erreurs. Rends l'hôte de mes yeux et que l'on m'obéisse. Puisqu'il aime à périr, je consens qu'il périsse. Je me fais violence, Albin, mais je l'ai dû. Ma bonté naturelle aisément m'eût perdu. Que la rage du peuple à présent se déploie. Que Sévère en fureur tonne, éclate, foudroie. M'étant fait cet effort, j'ai fait ma sûreté. Mais n'es-tu point surpris de cette dureté? Vois-tu comme le sien des cœurs impénétrables ou des impiétés à ce point exécrables? Du moins, j'ai satisfait mon esprit affligé. Pour amollir son cœur, je n'ai rien négligé. J'ai faim même à tes yeux, des lâches, des extrêmes. Et certes, sans l'horreur de ces derniers blasphèmes qui m'ont rempli soudain de colère et d'effroi, j'aurais eu de la peine à triompher de moi. Vous direz peut-être un jour cette victoire qui tient je ne sais quoi d'une action trop noire, indigne de Félix, indigne d'un Romain, répandant votre sang par votre propre main. Ainsi l'ont autrefois versé brutement lit, mais leur gloire en a cru, loin d'en être affaibli. Et quand nos vieux héros avaient de mauvais sang, ils eussent pour le perdre ouvert leur propre flanc. Votre ardeur vous séduit, mais quoi qu'elle vous dit, quand vous la sentirez une fois refroidie, quand vous verrez Pauline et que son désespoir par ses pleurs et ses cris saura vous émouvoir... Tu me fais souvenir qu'elle a suivi ce traître et que ce désespoir qu'elle ferait paraître de mes commandements pourra troubler les faits. Va donc, cours y mettre ordre et vois ce qu'elle fait. Romps ce que ces douleurs y donneraient d'obstacle. Tire-la, si tu peux, de ce triste spectacle. Tâche à la consoler. Va donc, qui te retient. Il n'en est pas besoin, Seigneur. Elle revient. Père barbare, achève. Achève ton ouvrage. Cette seconde hostie est digne de ta rage. Joins ta fille à ton gendre. Ose, que tardes-tu? Tu vois le même crime ou la même vertu. Ta barbarie en elle a les mêmes matières. Mon épouse en mourant m'a laissé ses lumières. Son sang dont tes bourreaux viennent de me couvrir m'a dessillé les yeux et me les vient d'ouvrir. Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé. De ce bienheureux sang, tu me vois baptisée. Je suis chrétienne, enfin, n'est-ce point assez dit? Conserve en me perdant ton rang et ton crédit. Redoute l'empereur, appréhende Sévère. Si tu ne veux périr, ma perte est nécessaire. Polyeucte m'appelle à cet heureux trépas. Je vois Néarque et lui qui me tendent les bras. Mène, mène-moi voir tes dieux que je déteste. Ils n'en ont brisé qu'un, je briserai le reste. On m'y verra braver tout ce que vous craignez, ces foudres impuissantes quand leurs mains vous peignez, et saintement rebelles aux lois de la naissance. une fois envers toi manqué d'obéissance. Ce n'est point ma douleur que par là je fais voir, c'est la grâce qui parle et non le désespoir. Le faut-il dire encore, Félix, je suis chrétienne, affermie par ma mort ta fortune et la mienne. Le coup à l'un et l'autre en sera précieux, puisqu'il t'assure en terre, en m'élevant aux cieux. Père dénaturé, malheureux politique, esclave ambitieux d'une peur chimérique, Polyeucte t'es donc mort. Et par vos cruautés, vous pensez conserver vos tristes dignités. La faveur que pour lui je vous avais offerte, au lieu de le sauver, précipite sa perte. J'ai prié, menacé, mais sans vous émouvoir. Et vous m'avez cru fourbe ou de peu de pouvoir. Eh bien, à vos dépens, vous verrez que Sévère ne se vante jamais que de ce qu'il peut faire, et par votre ruine, il vous fera juger que qui peut bien vous perdre eût pu vous protéger. Continuez, ô Dieu, ce service fidèle. Par de telles horreurs, montrez-leur votre zèle. Adieu. Mais quand l'orage éclatera sur vous, ne doutez point du bras dont partiront les coups. Arrêtez-vous, Seigneur, et d'une âme apaisée, souffrez que je vous livre une vengeance aisée. Ne me reprochez plus que, par mes cruautés, je tâche à conserver mes tristes dignités. Je dépose à vos pieds l'éclat de leur faux lustre, celle où j'ose aspirer, et d'un rang plus illustre, je m'y trouve forcé par un secret appât. Je cède à des transports que je ne connais pas. Et par un mouvement que je ne puis entendre, de ma fureur, je passe aux ailes de mon gendre. C'est lui, n'en doutez point, dont le sang innocent pour son persécuteur prie un Dieu tout-puissant. Son amour épandu sur toute la famille tire après lui le père aussi bien que la fille. J'en ai fait un martyr, sa mort me fait chrétien. J'ai fait tout son bonheur, il veut faire le mien. C'est ainsi qu'un chrétien se venge et se courrousse. Heureuse cruauté dont la suite est si douce. Donne la main, Pauline, apportez des liens, immolez à vos dieux ces deux nouveaux chrétiens. Je le suis, elle l'est, suivez votre colère. Heureusement, enfin, je retrouve mon père. Cet heureux changement rend mon bonheur parfait. Ma fille, il n'appartient qu'à la main qui le fait. Qui ne serait touché d'un si tendre spectacle? De pareils changements ne vont point sans miracle. Sans doute, vos chrétiens qu'on persécute en vain ont quelque chose en eux qui surpasse l'humain. Ils mènent une vie ayant tant d'innocence que le ciel leur en doit quelque reconnaissance. Se relever plus fort, plus ils sont abattus, n'est pas aussi l'effet des communes vertus. Je les aimais toujours, quoi qu'on m'en ait pu dire. Je n'en vois point mourir que mon cœur n'en soupire. Et peut-être qu'un jour, je les connaîtrai mieux. J'approuve cependant que chacun ait ses dieux, qu'il les serve à sa mode et sans peur de la peine. Si vous êtes chrétien, ne craignez plus ma haine, je les aime, Félix. Et de leur protecteur, je n'en veux pas sur vous faire un persécuteur. Gardez votre pouvoir, reprenez-en la marque. Servez bien votre dieu, servez votre monarque. Je perdrai mon crédit envers sa majesté où vous verrez finir cette sévérité. Par cette injuste haine, il se fait trop d'outrage. Daigne le ciel en vous achever son ouvrage. Et pour vous rendre un jour ce que vous méritez, vous inspirez bientôt toute sévérité. Nous autres, bénissons notre heureuse aventure. Allons à nos martyrs donner la sépulture. Baiser leur corps sacré, les mettre en digne lieu et faire retentir partout le nom de Dieu. Vous venez d'entendre Polyeucte. Je vous en rappelle la distribution. Félix, Pierre Renoir. Polyeucte, Jean Chevrier de la Comédie-Française. Sévère, Jean Davy de la Comédie-Française.